dimanche 24 septembre. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Le parti Sahwanya Afro-Debou demande au gouvernement burundais de déverrouiller l'espace politique plus qu'il ne l'est aujourd'hui. En commune Muhanga de la province Kayanza, plus de 3000 abandons scolaires ont été enregistrés ces deux dernières années scolaires. Et la chronique nutrition de ce dimanche est centrée sur les propriétés de la goyave. Les détails, c'est dans cette édition mise en onde par Eric Wiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page politique pour débuter cette édition. Le parti Sahwanya Afro-Debou demande aux autorités, aux partis au pouvoir de déverrouiller l'espace politique plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Un appel est lancé ce dimanche à Gitegapa, le vice-président et porte-parole de ce parti, dans une retraite à l'endroit des responsables de ce parti au niveau national et le représentant provinciaux. Phénias Nigaba appelle la commission électorale nationale indépendante d'être neutre durant les échéances électorales de 2025 et 2027. Suivez-le au micro d'Arthur Kavaouchi. L'espace politique actuellement, il y a des petits problèmes, même ce n'est pas seulement des petits problèmes, il y a des problèmes. Mais en politique, nous, le parti Sahwanya Afro-Debou est habitué. Même en 1993, il y avait beaucoup de problèmes, mais le parti a dû s'organiser et a dû, disons, avoir des résultats satisfaisants. Nous avons gagné les élections de 19 ans, mais ce n'était pas facile. Même maintenant, nous voyons qu'il y a des problèmes, nous voyons que l'espace est un peu verrouillé. Et cela ne nous dérange pas beaucoup, parce qu'en politique, ce n'est pas des choses faciles, ce n'est pas du pain sur la planche. Quand on est en politique, on doit s'attendre à ça. Ce n'est pas, disons, une ligne qui est droite. Il doit y avoir ces problèmes-là. Le politicien doit chaque fois trouver une stratégie pour contourner, pour trouver des solutions à ces problèmes. Le parti Sahwanya Afro-Debou est en train de faire des contacts avec tous les partenaires pour que l'espace politique soit déverrouillé, afin que tous les partis politiques puissent être libres et aller sur le terrain pour contacter les militants et pour contacter la population afin que pour les élections prochaines, la population puisse voter le programme et non le terrorisme. Au niveau du parti Sahwanya Afro-Debou, nous avons un message très simple. Pour toute la population, il faut que la population reste sereine. Il faut que la population soit tranquille, reste tranquille et vaque régulièrement à ses activités dans la diversité. Deuxièmement, il faut que le parti au pouvoir sache qu'il y a d'autres formations politiques, que nous sommes dans un monde pluraliste. Donc nous devons vivre ensemble et que le parti au pouvoir laisse la population libre à adhérer dans leur parti de choix. Et que je lance également à cet appel au parti au pouvoir en disant que la population burundaise n'a pas besoin du monopartisme. À la commission électorale nationale indépendante, nous voudrions que cette CENI, en tant qu'arbitre, soit neutre. Et le parti FNL va agir avec un nouveau souffle vers les élections de 2025 pour qu'elles soient différentes de celles de 2020 dans les états généraux organisés par ce parti ce dimanche. Jacques Bigirimana, président de ce parti, a fait savoir que le nouveau découpage territorial avait réuni les membres de ce parti. On l'écoute. Et le parti FNL avait organisé à l'intention des représentants du parti FNL dans différents organes du parti les états généraux pour évaluer les activités du parti à travers tout le pays, voir l'état d'avancement des travaux, et faire critique et autocritique, et comme ça, afin de pouvoir nous préparer pour les élections de 2025. Et autre chose, nous avons profité pour annoncer aux nouveaux provinciaux, le découpage administratif qui vient d'être promulgué par le président de la République du Burundi. Ce qui est de nouveau, c'est que le parti FNR aujourd'hui va agir avec un nouveau souffle pour que le pays essaie de se situer lors des élections de 2005. Nous n'aimerions pas que la place que nous avons occupée lors des dernières élections soit la même pour les prochaines élections. Nous sommes décidés, nous sommes convenus et nous sommes très sûrs que les élections de 2025 sur le compte du parti FNR seront diamétralement différentes de celles de 2020 au parti FNR. Jacques Wigirimana, président du parti FNL, et le recensement des propriétés foncières et leurs propriétaires en cours à la colline Rukoba, commune éco-province Gitega, connaît quelques défis, dont l'absence des propriétaires et des cas litigieux. Propos du chef d'antenne provinciale de l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au bois à Gitega. Cela étant, certains propriétaires des terres disent ne pas être satisfaits de la manière dont ce recensement est organisé. Le point avec Gérard Nibigira. Le chef d'antenne provinciale de l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Bura, Niyonzima Emery, parle de certains défis qui émaillent ce recensement, dans les cas litigés. Nos techniciens qui sont en train d'effectuer ce travail rencontrent beaucoup de défis, mais on essaie petit à petit de trouver une solution. Par exemple, il y a des gens qui nous manquent sur place. Dans son cas, on enquête la parcelle et puis on marque si l'office est inconnu. Et puis, il va venir chez nous pour réclamer cette fiche et puis nous pouvons changer le nom inconnu par son nom. Autre cas qu'on rencontre sur le terrain, ce sont des cas litigés. Les cas litigés sont nombreux, mais avec les locaux, l'administration locale, nous essayons de régler petit à petit. Cela étant, certains villageois de Rukoba ne sont pas satisfaits de la manière dont le dit recensement est organisé, comme cet homme qui dit qu'une seule et petite partie de sa propriété a été recensée et ignore le sort de la plus grande partie non recensée. J'ai une propriété foncière de 10 arts de superficie, mais il y a les bornes qui ont été fixées, les bornes qui montrent les limites des espaces où construire et des espaces où il ne faut pas construire, car surplombant les marais. Ainsi, ma propriété a été divisée en deux et une seule et petite partie située au-dessus de ces bornes a été recensée. J'ignore alors le sort de la plus grande partie non recensée de ma propriété. Comme réponse, le chef d'antenne provinciale de l'Obuha à Gitega dit que les terrains situés en dessous des bornes déjà fixées ne sont pas recensés et que donc cette partie non recensée appartient toujours à cet homme et que s'il adviendrait que l'État en ait besoin, il sera informé des procédures de la lui céder. Ce recensement des propriétés foncières et de leurs propriétaires en cours à la colline Rukoba visant l'agrandissement de la ville et de la capitale politique Gitega dure depuis environ 2 semaines et se poursuit. Depuis Gitega, j'ai Annie Bigira pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition à 18h08 dans le studio de la radio Isanganiro. Le représentant des notables collinaires de Gatete en commune province Rumonge retenu au cachot de la police Rumonge depuis vendredi. Ruranyaga Fidel est accusé d'avoir détourné de l'argent d'un justiciable et la première prime de ses collègues notables collinaires de Gatete. Le président du tribunal de résidence de Rumonge et l'administrateur communal de Rumonge confirment cette rétention suivie du limogeage de ce notable, de ses fonctions et une correspondance signée Jean-Pierre Misago. L'affaire a été portée au tribunal de résidence de Rumonge en ce mois de septembre courant, mais elle débute en février de cette année en cours, selon des informations obtenues auprès de certains des notables collinaires de Gatete, confirmées par le président du tribunal de résidence de Rumonge et l'administrateur communal de Rumonge. Selon ces informations, Ruranyaga Fidel a réceptionné 350 000 francs burundais, représentant la première tranche de remboursement dans une affaire arrangée par ses notables. Cette dette n'a pas été remboursée jusqu'à ce que la deuxième tranche constituée de 600 000 francs burundais soit versée aux notables au mois de juillet 2023. Après, les notables collinaires ont attendu le paiement de 350 000 francs burundais, mais en vain. Le 13 septembre courant, ces notables ont porté plainte contre leurs représentants tout en demandant au tribunal de résidence de Rumonge de leur payer leur première prime qui, selon eux, y était conservée. Le président du tribunal de résidence de Rumonge, après s'être informé auprès du ministère de tutelle, apprendra que la dite prime est parvenue au compte Bankobu Inote d'Oruranyaga Fidèle le 14 août 2023. Pour le président du tribunal de résidence de Rumongue et l'administrateur communal de Rumongue, Ranyaga Fidèle a été malhonnête envers le pays et ses collègues, ce qui lui a valu son arrestation. Pour ses autorités, Ranyaga Fidèle n'est plus sur la liste des notables collinaires d'Okatete conformément à la loi et il ne sera libéré qu'après versement de tout cet argent. Jean-Pierre Misago de Pirumongue, Radio Isanganiro. Parlons éducation en commune Muhanga de la province de Kayanza. Plus de 3000 cas d'abandon scolaire ont été enregistrés dans cette commune ces deux dernières années scolaires, selon Désiré Hatungimana, directeur provincial de l'éducation. L'administration communale de Muhanga dit s'inquiéter de la recrudescence des cas d'abandon scolaire. Les élèves se rendent en Tanzanie à la recherche du travail. Le point, la correspondance est signée Patrick Sengiyumv. Selon les données chiffrées fournies par la Direction provinciale de l'éducation à Kayanza, au cours de l'année scolaire 2021-2022, on a enregistré en commune scolaire Muhanga 1760 cas d'abandon scolaire, au moment où, selon les mêmes données, on a enregistré dans cette même commune scolaire 1535 cas d'abandon scolaire l'année scolaire passée. Désiré Atungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, fait savoir que beaucoup des enfants qui décrochent l'école suspendent les études au troisième cycle du cycle fondamental. Le directeur provincial de l'éducation à Kayanza fait savoir que, par exemple, l'année scolaire passée, la commune scolaire Muhanga a été représentée par seulement 294 élèves au concours national. Au niveau de la direction provinciale de l'éducation en province Kayanza, on s'inquiète beaucoup de la recrudescence des cas d'abandon scolaire enregistrés en commune scolaire Muhanga. L'administration communale Muhanga dit aussi s'inquiéter de cette situation. Léonidas Abimana, conseiller exécutif et permanent de l'administrateur communal, indique que beaucoup des enfants qui abandonnent l'école en cette commune se rendent en République de la Tanzanie à la recherche du travail. Cette autorité administrative et communale Muhanga appelle toutes les parties prenantes en matière de l'éducation à la conjugaison des efforts pour éradiquer ce phénomène des cas des enfants qui abandonnent l'école pour se rendre en Tanzanie, pays voisin. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. De Kayanza, rendant en province Bururi où les toitures de 10 salles de classe dans les communes de Vianda et Mugamba de cette province ont été détruites suite aux aléas climatiques depuis le début de cette saison des pluies. Mais certaines classes ont déjà été réhabilitées à l'aide des tôles en mauvais état. Les responsables de ces établissements scolaires demandent une aide pour la réhabilitation de toutes ces classes. Zenon Zambiman. En commune Vianda, les toitures des 6 salles de classe des écoles fondamentales Kirungu et Nyamitole, ainsi qu'en bureau de la directrice de l'école fondamentale Kirungu, ont été déjà détruites par les pluies mêlées de vents violents depuis le début de cette saison, comme l'indiquent les responsables de ces écoles. Ces informations sont également confirmées par le directeur communal de l'enseignement à Vianda. Emmanuel Hatungimana ajoute qu'à Kirungu, les livres et les cahiers des élèves ont été également endommagés. Il fait savoir que les activités préscolaires ont été provisoirement suspendues à cette école suite à l'insuffisance des salles de classe pour d'autres élèves. À Nyamitole, deux salles de classe endommagées ont été déjà recouvertes, mais là aussi, à l'aide des tôles à mauvais état, a indiqué Emmanuel Hatungimana. En commune Mugamba, les toitures des trois salles de classe de l'école fondamentale Taba et celles d'une salle de classe de l'Ekofo Nyamugali ont été également emportées par les pluies mêlées de vents violents. C'était au début de cette semaine, selon le directeur communal de l'enseignement à Mugamba. Les responsables de ces écoles et les parents des élèves victimes de ces aléas climatiques demandent une aide surtout en tôle pour la réhabilitation de toutes ces salles de classe. Les experts en matière de construction, quant à eux, conseillent les directeurs des écoles de songer à planter les arbres coupe-vent tout près de leurs écoles et de s'assurer que les toitures des salles de classe sont bien construites pour qu'elles ne soient pas facilement emportées par le vent. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Place à la chronique nutrition, la goyave est riche en antioxydants et sa consommation permet de lutter contre le vieillissement des cellules et de préserver une bonne santé. Selon Gilbert Nangwahafi, chercheur nutritionniste, la goyave est également dotée d'une bonne concentration en vitamine C, ce qui permet d'activer de nombreuses fonctions de l'organisme. Jean-Marie Mayonga. La goyave est un fruit qui permet de lutter contre plusieurs maladies comme le diabète et la diarrhée, selon Gilbert Nangwahafi, chercheur nutritionniste. Les grillés du goyavier restent intactes dans les intestins et donnent une particularité au goyavier. L'arbre possède des feuilles aromatiques, et souvent utilisées en infusion digestive. Et dans les îles du Pacifique, la pulpe du goyave est utilisée surtout par les femmes qui la transforment en soie hydratante et régénérante pour la peau, le visage et le corps. Ce chercheur explique que les personnes souffrant d'une maladie immunitaire peuvent consommer beaucoup le jus de goyave. Les personnes souffrant d'une maladie immunitaire doivent boire du jus de goyave quotidiennement, bien sûr. C'est un remède traditionnel pour traiter la pression artérielle très élevée. Les feuilles de goyave soignent aussi le prurite, les dermatoses, les autres maladies de la peau. La goyave renferme beaucoup de fibres. Elle est très réputée pour favoriser la digestion. Ce fruit tropical, bien sûr, fait l'objet d'études pour ses vertus médicinales, notamment pour sa réduction du mauvais cholestérol. Jibène Langwaf dit que le fruit peut être se marier avec d'autres fruits et elle est très bénéfique dans l'organisme en nettoyant des intestins. Ce fruit se marie très bien avec d'autres fruits exotiques comme l'ananas ou la banane pour un cocktail vitaminé et nutritif. Sa haute teneur en fibres de la goyave, notamment en pectine, est très bénéfique pour le système digestif et permet d'augmenter le volume de sel et accélérer le transit intestinal. Elle favorise aussi le nettoyage des intestins et soulage aussi la constipation. Quant à sa consommation, les goyaves peuvent être consommées en jus, en salade ou en tisane, selon ce chercheur Jibé Nangwaafi. On peut utiliser son fruit en salade ou utiliser le fruit entier. On peut utiliser aussi le fruit en jus en association avec d'autres fruits comme banane, ananas. On peut aussi utiliser les feuilles de goyave en décoction ou en tisane. La goyave est cultivée depuis plus de 2000 ans en Amérique du Sud et au Burundi. Ce fruit est bien cultivé. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Au revoir.